الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله سبحانه وتعالى فإن من اتقى الله نجاه وأرشده إلى خير أموره في دينه ودنياه ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا القرآن الكريم كلام الله رب العالمين المنزل على قلب سيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم بواسطة جبريل الأمين قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فالقرآن الكريم كتاب عقيدة كتاب فقه وأدب منهج حياة كتاب تربية في صلاح وإصلاح للقلوب والأبدان وللناس أجمعين فعلينا يا عباد الله أن نلتزم بآداب القرآن وأن نتحلى بها لنكون من أهل القرآن حقا وصدقا هذا القرآن الكريم وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات ونعوت كثيرة وهذا يدلنا على عظمة هذا القرآن وأنه قد كمل من جميع الوجوه لذا حمد الله سبحانه وتعالى نفسه بإنزاله هذا القرآن بهذا الإنعام العظيم قال جل وعلا في كتاب الكريم الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال جل وعز إن هذا القرآن لا يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فهو أعظم الهدايات فيه هداية إلى كل خير سعادة وفلاح قصص أحسن القصص أخبارها كلها صدق أحكام كلها عدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال ربنا عز وجل يا أيها الناس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فالقرآن المجيد شفاء للأمراض النفسية وشفاء للأمراض البدنية الحسية والمعنوية شفاء للهموم والغموم وشفاء للأحزان شفاء لمرض الشبهات والشهوات وهكذا القرآن أكبر موعظة فيه إيقاظ للقلوب الميتة تزلزل الغافل وتثبت الصالح وتخوف التقي وربما أحيا القلب الميت قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال تبارك وتعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فالقرآن ينور لك الطريق بعد أن كنت في ظلمات الجهل والشرك والضلال، فهو ضياء يهتدى به، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، مجيد عظيم وواسع الفضل والخير والعلم، وقرآن كريم، وهو قرآن عظيم، فهو أحسن الحديث، فهو أحسن الحديث. قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي هذا القرآن، لا أحسن حديثا منه في جماله وحسن معانيه وتمام هدايته ودلالته. هذه بعض أوصاف القرآن الكريم، كتابنا نحن المسلمين. ثم أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا أن تمام الانتفاع بهذا القرآن الكريم لا يكون إلا لمن تدبره وتأمل فيه. لذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بتدبر القرآن في كتاب العظيم، فقال جل وعز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن لنتأمله في دلالته، وحثنا على تدبره لنفوز بالاستقامة والانتفاع بهذا القرآن الكريم. والناس عند سماع القرآن أصناف ثلاثة، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: منهم من لا قلب له فلا ينتفع بالقرآن، ومنهم من له قلب لكنه غافل عما يلقى إليه لا يستمع إليه فهو مشغول بغيره، ومنهم من له قلب حي وأصغى إليه سمعه، هذا الذي ينتفع بالقرآن. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Comme vous le savez tous, le Coran est le livre de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala qu'il a révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. Il nous dit dans son livre: et cela est la révélation du Seigneur des mondes, est descendu avec l'ange digne de confiance, c'est-à-dire l'esprit digne de confiance, c'est-à-dire Jibril, sur ton cœur, c'est-à-dire le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que tu fasses partie du nombre des avertisseurs. Et cela dans une langue arabe claire. Le Coran est un livre qui renferme tout le bien et tout ce dont nous avons besoin pour être heureux dans ce bas monde et obtenir la félicité dans l'au-delà. C'est un livre qui nous enseigne la croyance authentique. C'est un livre qui nous apprend comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et quel chemin emprunter. Quel chemin il nous faut emprunter afin d'atteindre l'agrément de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et dans l'au-delà, puis l'entrée dans son paradis. La chose dont nous avons le plus besoin est donc la lecture du Coran, sa compréhension et sa mise en pratique. C'est un livre qui nous enseigne le bon comportement. C'est pour cela que lorsque Aïcha radiallahu anha fut questionnée sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu: son comportement était le Coran. Son comportement était le Coran. La révélation du Coran est donc le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'ensemble des mondes. C'est pour cela qu'il s'est loué de par ce grand bienfait dans son livre en disant « Loué soit celui qui a révélé le livre sur son serviteur ». Donc c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. C'est la meilleure guidée. Il nous dit dans son livre subhanahu wa ta'ala, certes ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a pas une meilleure guidée que le Coran. C'est la meilleure science, la meilleure guidée, le plus grand bienfait qui t'accompagnera vers le bonheur et la réussite dans ce bas monde et l'au-delà. Il renferme les meilleurs récits, les plus belles histoires. Toute information du Coran n'est que vérité. Et tout ordre et interdit du Coran n'est que justice. Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité de nombreuses descriptions de ce Coran, de nombreux attributs et mérites de ce Coran. Il nous dit, et nous révélons du Coran, ce dans quoi il y a une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et il ne fait qu'accroître les injustes qu'en perte. Il nous dit également, ô vous les gens, vous est venue une exhortation de la part de votre Seigneur, une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Dis, par le bienfait de ton Seigneur et sa miséricorde, c'est-à-dire du Coran et de l'Islam, de cela qu'ils se réjouissent, c'est bien mieux que tout ce qu'ils peuvent amasser, c'est-à-dire comme richesse mondaine. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite certains des attributs du Coran. Il nous montre que c'est une guérison. C'est une guérison pour les maladies du cœur, les problèmes de croyance, les ambiguïtés. C'est une guérison pour les passions, les péchés. C'est une guérison pour les maladies. C'est une guérison pour l'ensemble des maux par lesquels peuvent être touchés le fils d'Adam ou autre. Il repousse de toi ou dissipe la tristesse, les soucis et l'angoisse. Il repousse de toi le waswas ou t'en guérit. Il repousse de toi les démons et tout mal qui peut t'atteindre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus grande des exhortations. Ce Coran réveille les cœurs de ceux qui sont distraits. Ce Coran fait peur à ceux qui sont pieux. Ce Coran développe l'amour, la crainte et l'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran nous appelle à ce qu'il y a de meilleur. Il fait trembler le cœur de ceux qui sont pieux. Il développe l'espoir de ceux qui sont éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran peut même redonner la vie au cœur mort, le cœur du mécréant, s'il écoute le Coran et suit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran est une lumière avec laquelle tu pourras chercher ton chemin et le trouver. Allah nous dit dans le Coran, « Où vous les gens, vous est venue une preuve de la part de votre Seigneur, et nous vous avons révélé une lumière étincelante ou évidente. » Allah nous dit également, « Mais on en a fait une lumière avec laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. » Donc celui qui recherche la guider et qui veut illuminer son chemin afin de savoir celui qui mène vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala doit revenir au Coran. Il doit lire le Coran et suivre le Coran. Ce Coran illuminera son chemin, lui permettra de le suivre et de sortir des ténèbres de l'injustice, de l'ignorance, du polythéisme et de l'égarement. Donc celui qui cherche une lanterne afin de pouvoir emprunter un chemin sécurisé, il lui faut revenir au Coran. Ce Coran est béni comme Allah Azza wa Jalla l'a décrit. Il renferme les plus grands trésors, la science la plus vaste, la meilleure guidée. C'est un Coran noble qui anoblit celui qui s'y cramponne. C'est un Coran immense qui élève celui qui s'y cramponne. Et le prophète sallallahu alayhi et Allah Azza wa Jal nous indique également que c'est le meilleur récit. C'est les meilleures paroles. Il nous dit, Allah a révélé les meilleurs récits, les meilleures paroles. Il n'y a pas meilleur et plus beau que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici certains des attributs du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cités dans son livre. Ceci étant dit, chers frères, une remarque très importante que l'on doit se rappeler ici, c'est que celui qui veut tirer profit pleinement et parfaitement du Coran ne devra pas s'arrêter à la lecture du Coran ou à l'écoute du Coran, mais il devra méditer le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa parole. Il devra s'arrêter méditer, chercher à comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu de lui. Il ne devra pas le lire comme on lit un autre livre, mais il devra chercher la guider dans ce livre, comprendre ce livre, se soigner à travers ce livre de l'ensemble de ses maladies. C'est pour cela que dans un verset, Allah Azza wa Jal nous enseigne quelle est la sagesse de la révélation du Coran. C'est le fait de le méditer. Et il nous ordonne également cela en disant, c'est un livre que nous avons révélé, sur toi, c'est-à-dire au messager d'Allah, qui est béni, afin qu'il médite ses signes. Voici la sagesse de la révélation du Coran. Méditez les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il médite ces versets et que les gens doués d'intelligence se rappellent. Donc le Coran a été révélé pour qu'on le médite, pour qu'on cherche à le comprendre et l'appliquer. Et les gens devant l'écoute du Coran se divisent en trois catégories. Il y a ceux qui ont le cœur mort, ils ne prêtent pas oreille au Coran. Ces gens-là ne tireront pas profit du Coran. Deuxièmement, il y a ceux qui ont un cœur vivant, mais sont distraits de l'écoute du Coran. Ils sont préoccupés par autre chose, comme ce bas monte. Et troisièmement, il y a ceux qui ont écouté le Coran, se sont concentrés lors de son écoute, avec un cœur vivant et présent. Voici ceux qui tireront pleinement profit du Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a cité dans son livre. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Il y a dans cela un rappel. Est-ce qu'il y a un rappel dans cela pour toute personne? Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pour celui qui a un cœur, c'est-à-dire vivant et présent, et qui tend l'oreille tout en étant présent. Allah subhanahu wa ta'ala reproche et blâme ceux qui ne méditent pas le Coran en disant, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Et dans un autre verset, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne méditent-ils donc pas le Coran? Ou est-ce qu'ils ont des cadenas sur leur cœur? Est-ce qu'ils ont des cadenas sur leur cœur qui leur empêchent de comprendre ce Coran? Les cadenas de la mécréance, les cadenas des péchés, de la distraction et de l'insouciance. Si ce verset a été dirigé envers les non-musulmans, que dire de nous les musulmans? À plus forte raison, nous devons méditer ce livre. Et la porte de tout le bien pour tirer profit de ce Coran, c'est la bonne écoute, sa méditation et le fait de chercher à le comprendre. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a vanté les mérites de ceux qui écoutent le Coran avec concentration, de ceux qui écoutent le Coran en cherchant à le comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala leur annonce la bonne nouvelle et nous dit فَبَشِّرْ عِبَادِ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Et annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'il y a de meilleur. Ils écoutent le Coran et cherchent au mieux à l'appliquer, à préserver les obligations puis à ajouter les surrogatoires, à délaisser les interdits puis à s'éloigner des choses détestables. Donc celui qui écoute le Coran avec concentration, voici celui qui en tirera profit. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Celui qui écoute le Coran avec concentration et cherche à le méditer, voici celui qui recevra la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait des efforts dans ce domaine pourra recevoir la plus grande des guidées de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, deux exemples qui se sont passés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sourate At-Tur. Et il y a un homme qui s'appelle Jubayr ibn Mut'im, qui a écouté la prière du Maghrib, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité sourate At-Tur, dans laquelle on trouve « Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun » Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Jubayr ibn Mut'im était un associateur qui adorait Al-Lat wal-Uzza, qui adorait les fausses divinités. et qui est associé dans le culte à Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a entendu ce verset, il l'a médité. Il s'est rendu compte que le nerf ne pouvait pas créer le vivant, le présent. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas lui-même se créer. Donc la finalité, c'est qu'Allah est le seul créateur, donc le seul qui mérite entièrement d'être adoré. Il est parti à la suite de cela trouver le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et est entré dans l'islam en disant « Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ». Un homme qui n'était pas musulman, qui a écouté le Coran, il est entré immédiatement dans l'islam, car c'était des Arabes qui comprenaient le Coran. Alors que pour bon nombre d'entre nous, on a écouté le Coran, on l'a lu et relu entièrement. Mais où est la mise en pratique du Coran? Où est le délaissement des péchés? Où est at-tawakkul ala Allah, le fait de placer sa confiance en Allah? Combien sont ceux qui lisent le Coran, puis lorsqu'ils ont un problème, se dirigent vers les saints, vers les tombeaux et égorgent pour autre qu'Allah Azza wa Jal. À la manière de Abu Lahab et Abu Jahl. Où sont ceux qui, lorsqu'ils ont un problème, ils invoquent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et oublient Allah, le Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala. Où sont ceux qui lisent le Coran et ensuite délaissent la prière en groupe? Où sont celles qui lisent le Coran, ensuite ne portent pas le voile islamique? Où sommes-nous de la lecture et de la méditation du Coran, chers frères? Où sont ceux qui lisent le Coran, puis désobéissent à leurs parents? Où sont ceux qui lisent le Coran, puis ne prennent pas soin d'éduquer leurs enfants? Tout cela, on le trouve dans le Coran. Où sont ceux qui lisent le Coran, puis ne s'acquittent pas de l'aumône légale, la zakat? Où sont ceux qui lisent le Coran, puis les jours du pèlerinage se sont écoulés, ils avaient les moyens, la santé, la capacité, ne sont pas allés effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal. Voici l'écoute du Coran qu'Allah veut de nous. Écoutez le Coran, méditez le Coran et mettre en pratique le Coran. Et pour finir, une histoire qui ne touche pas le fils d'Adam, mais qui touche plutôt les djinns. Qui touche les djinns, car comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'ensemble des mondes, parmi les hommes et parmi les djinns. Allah nous informe dans le Coran qu'un groupe de djinns ont écouté la lecture du Coran. Ils ont médité la lecture du Coran et suite à cela, ils se sont convertis à l'islam et sont devenus des prédicateurs. Ils ont appelé les gens de leur communauté à revenir à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran « Qul uhiya ilayk » أن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سبحان الله. Les djinns ont écouté le Coran. La foi a pénétré leur cœur. Ils se sont désavoués du polythéisme et sont repartis trouver leurs semblables pour les appeler à l'islam. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont écouté le Coran et sont repartis et ont dit, nous avons entendu une lecture merveilleuse qui guide vers ce qu'il y a de meilleur, nous y avons donc cru et nous n'associerons plus jamais quoi que ce soit à notre Seigneur. Voici l'effet du Coran sur les djinns après avoir écouté un seul moment la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont médité ce Coran, ont été guidés au tawhid par Allah Azza wa Jal. Donc la porte de tout le bien est la bonne écoute, la concentration et sa compréhension. Et pour ce faire, chers frères, il vous faut apprendre la langue arabe. Celui qui ne sait pas lire le Coran, je ne parle pas de l'essai de traduction du Coran, je parle du Coran qui est que dans une langue arabe claire. Celui qui n'étudie pas la langue arabe, comment est-ce qu'il pourra lire le livre d'Allah? Comment est-ce qu'il pourra le méditer? Et celui qui ne comprend pas la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il pourra comprendre le Coran et son hadith? Au jour d'aujourd'hui, même les Arabes ne comprennent pas le Coran, alors qu'ils ont la meilleure langue. Que dire alors de ceux qui ont embrassé l'islam parmi les non-Arabes? Il faut que les Arabes soient fiers de leur langue, et qu'ils propagent leur langue, la langue du Coran, la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de langue meilleure, plus riche, plus belle que la langue arabe. Donc que chaque personne étudie cette langue, que chaque personne sensibilise ses enfants sur l'apprentissage de cette langue, et ne dit pas j'ai atteint tel âge, c'est trop tard. Ne dit pas j'ai atteint tel âge, c'est trop tard. Car certaines personnes sont entrées dans l'islam très tard et ont pu apprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a commandé. Il y a une femme qui est gravement malade, elle est dans le coma, et les gens de sa famille vous demandent d'invoquer Allah Azza wa Jalla en sa faveur. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yashfiyaha. Allahumma ya rabbana munna 'alayha bishifa wa farrij 'anha wa sabbir ahlaha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة